Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, la lettre C va être mise à l'honneur puisqu'on parle de deux oiseaux, commençant par la lettre C. Alors, de mon côté, ce sera le coucou. Et toi Sophie, du coup, tu nous parles de quoi ? Bonjour à toi. Bonjour, alors moi je vous parle du colibri aujourd'hui. Bon, on en a déjà parlé précédemment, hein, c'est pas le premier épisode sur le colibri, on est d'accord. Mais il y a deux, trois petits trucs qui sont tombés dernièrement et c'était assez drôle, donc on va en parler, voilà. Bon, c'est pas le premier épisode non plus, on parle du coucou, hein, ça fait longtemps que l'on parle de cet oiseau. On parlera du coucou Coël, lui par contre, c'est la première fois qu'on parle de lui. Donc, bah voilà, on aura l'occasion de discuter de ce coucou indonésien. Voilà. Comment tu vas, Sophie ? Ouf, mis à part les quelques coupures de courant qu'on a eues ici, du coup, tout va bien. C'est un peu la saison des orages, donc c'est aussi pas facile avec ce genre de choses. Voilà, faut s'attendre à des problèmes de ce style-là. Coupure de courant, hein, 2C, évidemment. Donc. Ah mais c'est l'épisode bon, du C. Ah, c'est l'épisode du C, exactement. Voilà, j'ai déjà le nom de l'épisode, parfait, incroyable. Allez, on va lancer cet épisode avec tout d'abord la rétro piou-piou. Je vais la commencer, Sophie, avec des chiffres quasiment définitifs. On va parler des oiseaux marins qui s'étaient échoués sur la façade atlantique début février. On avait fait un petit suivi de justement ce qui s'était passé dans le courrier de la Sterne. Donc pour le rappel, début février, on a eu une succession de tempêtes sur la façade atlantique et on a de nombreux oiseaux qui se sont échoués, notamment des macareux moines. Eh bien, on dénombre au total plus de 46 000 oiseaux qui se seraient échoués, slash signalés sur la face atlantique, donc 38 000 en France, mais aussi 5 000 en Espagne et 3 000 au Portugal. Mais, nous le précise la LPO, ces chiffres ne sont pas le reflet de la mortalité réelle des oiseaux. Donc, il se peut effectivement que les effectifs soient légèrement sous-estimés par rapport aux pertes réelles qui ont eu lieu. On avait parlé aussi de 2014, on avait eu aussi des échouages. Et là, c'était plus de 50 000 oiseaux. Je crois que c'était 40 000 en France et 10 000 par ailleurs qui s'étaient échoués également à la suite aussi de tempêtes hivernale. Mon Dieu, mon Dieu. Sophie est bouche bée, elle ne sait pas comment reprendre. C'est assez désagréable quand même, parce que en plus, c'est des oiseaux, enfin, le macareux par exemple, ce sont des oiseaux qui sont quand même pas en super forme hein, dernièrement, donc bon, c'est embêtant. Bref. Ok, bon bah écoute, moi je suis partie sur autre chose, d'un peu plus joyeux. Je suis désolée, moi j'ai que des mauvaises nouvelles hein, dans la rétro. Ah, écoute, moi j'ai que des bonnes nouvelles. Alors on va comme ça. Ah ça bah va alors, faire un petit est-ce X, que tu veux, est-ce que tu veux que je fasse la deuxième comme ça on termine la rétro sur quelque chose de plutôt cool. Voilà. Tu veux faire la deuxième? Oui, si tu veux. Si allez, tu veux. Eh ben on va parler de biovectoring, Sophie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. On dirait un terme de start-up un peu nul. Donc biovectoring en fait c'est la transmission de différentes choses par les oiseaux lors de leur déplacement et okay, on parle bien sûr de biovectoring assez souvent dans le courrier de la Sterne, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça lorsqu'on a évoqué le pinson du Nord et ce fameux champignon ou ces fameux champignons trouvés en Suisse. Eh bien, on a un vectoring qui peut être positif, mais aussi un vectoring qui peut être négatif. Et effectivement, on a une étude qui est sortie récemment autour de la pollution plastique et comment justement les oiseaux participent malgré eux à cette pollution en justement déplaçant notamment des microparticules de plastique dans leur environnement. Et donc, eh bien, c'est une pollution, mine de rien, qui est assez sous-estimée et qui est une véritable menace pour la biodiversité. Mais aussi pour les différents milieux dans lesquels ces oiseaux sont, notamment pour tout ce qui est oiseaux qui vont se nourrir dans des décharges publiques. Oui, le coup des décharges publiques, il m'était arrivé de traiter notamment une cigogne qui arrivait quasiment plus à manger parce qu'elle avait du plastique logé dans son tube digestif. Mais on avait parlé ensemble, hein, de comment dire, de ces oiseaux-là qui avaient plein de comment dire, de bouts de plastique dans leur corps. Et Ouais. on avait dit que ça faisait un bruit de jouet. Je sais pas si tu te c'est Un c'est un pouic-pouic. début C'est d'épisode un particulièrement sordide. pouic-pouic. Mon Et Dieu. donc voilà, c'était malheureusement et eh bien une conséquence Ouais. du nourrissage de ces oiseaux par du plastique, plutôt avec du plastique. Sophie, Bon, les bonnes nouvelles du bah, coup. c'est joyeux. Les bonnes nouvelles. Bah, écoute, on va commencer par une petite news assez sibylline pour le coup. Est-ce que tu connais les sittelles? Ah bah oui, évidemment. Oui, évidemment, Évidemment, je évidemment. Ces connais. fameux oiseaux qui se baladent la tête en bas sur les arbres, voilà. Alors, les sittelles, eh ben, il semblerait que certaines espèces aiment beaucoup lorsqu'elles font des nids. Alors, vous savez qu'elles font leur nid dans le tronc des arbres. Eh ben, elles mettent de la résine à l'entrée du nid. Donc, elles utilisent la résine des conifères, hein, des forêts là où elles sont, pour ces espèces-là. Et donc, elles mettent la résine de ces conifères, elles en tapissent l'entrée du nid. Et jusqu'à dernièrement, on ne savait pas trop pourquoi. Je disais, bon. Ça Oui, sert c'est au vrai que final. c'était toujours un peu flou. Moi, j'ai surtout entendu du fait que c'était pour adapter le trou à l'ouverture. Oui, il y avait Ce que je peux plusieurs hypothèses, comprendre, ce que je effectivement. peux comprendre, parce que ça évite justement que les prédateurs puissent s'engouffrer. Mais j'avoue que j'étais un peu sceptique de cela. Et donc, du coup, ils ont découvert de nouvelles choses. Oui, alors en fait, c'est plus un problème de parasite. Voilà, c'est une Ok. défense chimique en quelque sorte contre certains parasites, et il semblerait aussi que le fait que ça colle, ça évite qu'il y ait d'autres trucs qui rentrent dans le nid aussi, des petits trucs un peu plus petits. Donc en fait, c'est à la fois une défense chimique parce que visiblement dans cette résine il y a quelque chose qui va protéger contre certains parasites, et en plus ça fait une défense physique parce que comme c'est un peu collant, bah c'est pas facile de marcher dessus pour rentrer dans le nid. Donc toutes les petites bébêtes qui essaient de rentrer, des tout petits parasites, des tout petits machins comme ça, eh ben ils vont avoir des difficultés à passer. Ça veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas, mais ça va être plus compliqué quand même. Voilà, donc c'est l'objet d'une étude qui est sortie alors en décembre 2024, si je ne dis pas de bêtises, et on vous mettra évidemment les liens dans la description. Ok, incroyable. Et quelle est Voilà. ton autre bonne nouvelle? Alors, est-ce que tu te souviens du documentaire qui a été fait? On en avait parlé il n'y a pas si longtemps, qui avait été disponible sur YouTube, qui a été fait par deux frères, si tu te souviens Oui, bien. Voilà. extreme birding. Et Listers. Listers, Listers. listers, absolument. Et donc, Listers, ces deux frères ont décidé de remettre le couvert et de nous sortir un nouveau documentaire. Et devine quel est le sujet de ce Déjà? nouveau documentaire? Oui? Le pic qui cherche pendant 3 mois. Le quoi? Le pic. Tu sais, à un moment donné, il cherche un pic pendant plusieurs semaines. Oui, c'est vrai. Alors, t'es pas loin, parce qu'en fait, ils ont décidé d'aller à la recherche du pic à bec ivoire. Non, c'est Si. incroyable. Exceptionnel. Voilà, donc c'est sorti juste dernièrement, là, ces 2 derniers jours, je crois, où en fait ils ont donné une petite interview à Audubon, et effectivement ils disent, voilà, donc notre prochain documentaire sera sur les pics à bec ivoire. Alors, ils sont pas sûrs de le trouver, mais je pense que ça va être assez drôle avec tout le folklore qu'il y a autour de cet oiseau, tout le mystère en quelque Incroyable. sorte. Je pense que ça va être assez drôle, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à le trouver, et eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'espoir d'ailleurs, de ce point de vue-là. Ah non, mais On ça va verra. être ah ça va être génial, incroyable. Donc du coup, ils sont en production du documentaire du coup sur le pic à bec ivoire. Eh ben j'ai Exactement. hâte de voir ça. Exactement. J'ai hâte de voir ça parce que ça va être un comment dire? Ça va être savoureux. Ça, Voilà. je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à voir. Eh ben super, c'est ah je ça m'a remis Alors, en joie. c'est pas mal, là, tu vois, c'est de bonnes nouvelles, je t'avais dit. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il bonne va nouvelle sortir, effectivement. très honnêtement, parce que Oh c'est pas ouais, dit ça et ils demande savent du pas trop temps. non plus, je pense. Mais ils vont, voilà, ils sont en cours de tournage pour ce nouveau documentaire, et on espère, évidemment, on sera là pour vous donner les résultats du visionnage quand on l'aura vu nous-mêmes, parce que moi, évidemment que je vais regarder, Ah bah même ah, faudrait qu'on fasse même une visite. Faudrait qu'on le regarde ensemble en vrai. Ah, si Ça on peut, ce peut serait peut-être ça bien. peut être intéressant, ouais. Ah, mais oui, Peut-être complètement. faire une soirée, voire même sur le courrier de la Sterne où on le regarde tous les deux et on réagit à ce qui se passe. Bah, y a peut-être moyen de faire un truc comme ça. Ça peut être marrant. Il y a peut-être moyen. Voilà. Et puis une dernière petite news du coup, ouais. Où tout simplement, alors c'est une news feel good, hein, qui nous explique que oui, remettre en état des prairies, des zones herbeuses, des zones humides, et bah écoute, ça aide beaucoup, et il y a une petite expérience qui a été faite aux USA. Sur quand même pas mal d'années, plus d'une quinzaine d'années, où on a remis en état des zones, notamment des prairies, des endroits où d'ailleurs des agriculteurs travaillent, hein, c'est des champs avec des vaches, ce genre de choses. Mais c'est des prairies qui sont faites de manière responsable en quelque sorte, avec des espèces locales, en faisant en sorte justement de garder quand même une rotation aussi... des cultures, des plantes qui mettent dedans. Enfin bref, essayer très de important. Voilà, essayer donc de garder une biodiversité sur place. Et ben tout ça, ça encourage très fortement les espèces locales et notamment les oiseaux. Et donc ça permet un rebond des populations d'oiseaux dans ces prairies-là, tout en aidant d'ailleurs les éleveurs parce que quand t'as beaucoup d'oiseaux, t'as beaucoup moins d'insectes et t'as beaucoup moins de parasites généralement. Voilà. Exactement. Exactement, c'est toujours bon de le rappeler. Eh ben merci Sophie pour ces bonnes nouvelles. On va, dans cette première partie, vous emmener en Indonésie à la rencontre du coucou Koel. Et oui, ça rime, c'est fait exprès. Ah, le coucou Koel. Ça me fait plaisir de parler de lui, j'entends très souvent parler de lui. Je l'entends beaucoup aussi quand je joue à Zelda Breath of the Wild, parce qu'on l'entend dans la jungle. C'est vrai. C'est lui et le martin chasseur géant. c'est fantastique. Voilà. Si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, sachez que c'est une aventure assez extraordinaire. Bref. Le coucou Koel, coucou tout noir, avec un œil rouge très prononcé. Je trouve qu'il est assez proche des drongos, morphologiquement parlant, quand même, qu'on avait déjà évoqué, avec justement ses couleurs très, très mates. Oui. Et puis donc, un cri très caractéristique, comme on l'a dit, représenté dans Breath of the Wild, mais pas que, hein, c'est un cri aussi très utilisé dans la représentation des oiseaux dans les jungles, dans les films notamment. On le trouve en Asie du Sud-Est et jusque sur la face Est de l'Australie. Et son cri très caractéristique lui a valu un surnom, Koel. Et Koel signifie rossignol, puisque l'oiseau donc possède ce fameux chant très mélodieux, annonciateur selon certains de l'arrivée de la pluie et de la mousson lorsque celle-ci a lieu en Asie, et si bien que l'oiseau a été surnommé Rainbird ou Stormbird, donc c'est-à-dire oiseau tonnerre ou oiseau des pluies, puisque à chaque fois que le coucou se met à chanter, la mousson coïncide avec la nidification des oiseaux et donc le parasitisme du coucou, puisque comme son nom l'indique, c'est un oiseau qui pond ses œufs dans le nid d'autres espèces. Et dans une nouvelle étude qui est sortie fin décembre dernier, des chercheurs se sont penchés sur le cas du parasitisme du coucou Koel chez diverses espèces d'oiseaux, dont notamment le corbeau familier, qui est un corvidé originaire du bassin sud-asiatique et qui est considéré comme l'un, on va dire, des plus anciens oiseaux à être parasité par le coucou Koel. Alors, c'est pas le seul, puisque dans l'étude, on va avoir à peu près une dizaine d'espèces qui vont être suivies par les scientifiques. Alors, suivies entre guillemets, parce que ça va en réalité être des observations qui vont être faites en laboratoire. Mais grosso modo, on a une dizaine d'espèces. La plus parasitée étant la pyrole à bec rouge, qui elle aussi est un corvidé. Et un magnifique corvidé, parce que les gens disent « Oui, mais les corvidés, ils sont tout noirs, ils sont tout blancs, etc. » Les pyroles, c'est... tout l'inverse. Oui. Vraiment, allez voir les couleurs des pyrrholes. Donc c'est une sorte de pie-bavarde, mais avec un plumage beaucoup plus, beaucoup plus joli. Il y a la pyrrhole de Ceylan aussi, qui est à un niveau au-dessus de la pyrrhole à bec rouge, qui est étudiée dans l'étude. Bref, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont étudiés. Il y a aussi le ménate religieux, le martin triste. Le corbeau indien, je crois aussi, qui est étudié dans cette étude. Bref, on a à peu près une dizaine d'espèces qui sont étudiées. Et l'objectif des chercheurs, c'était de savoir si les coucous qui imitent beaucoup la couleur des œufs de la pyrrhole, eh bien, imitaient aussi bien les œufs d'autres oiseaux qui sont parasités. On en avait parlé ensemble, Sophie, oui. Notamment pour c'était le drongo, géocoucou. Je sais plus. Pas le géocoucou, pardon. Non. L'indicateur, pardon. Géocoucou, c'est un peu ailleurs. C'était l'indicateur, si mes souvenirs sont bons. Non, c'était. C'était le drongo. C'était pas non plus. Il me semble que c'était. C'était en Afrique, ça c'est sûr. Oui, mais le nom va me revenir. Certainement plus tard. Non, c'était pas c'est... Bon, c'est pas grave. En tout cas, on avait discuté dans l'étude que les oiseaux émettaient des œufs avec des motifs sur les œufs qui étaient différents, ce qui permettait quelque part un parasitisme plus ou moins efficace selon les individus qui étaient parasités. Parce que si la forme des motifs sur les œufs ne correspondait pas, le nid était abandonné et du coup, le coucou, le drongo ou l'indicateur ou qu'importe l'oiseau qu'il était dans l'étude qu'on a étudiée, ne parvenait pas justement à faire élever son petit. Donc, les chercheurs, ils se sont penchés sur deux choses. Il me semble que c'était d'abord déterminer... Non, c'est pas possible, c'était en Afrique. Les vachers, t'en as parlé. Tu teases un épisode qu'on n'a pas encore sorti, Sophie, attention. Non, une autre fois aussi pour l'histoire 2, parce qu'il y en a qui sont pas... Enfin, il me semble qu'il y en a qui sont comme le coucou. Mais il y en a un autre aussi. Je suis à peu près sûr que c'est drongo ou indicateur. Bref, c'est pas grave. Peut-être. Je sais plus du tout. Bref. L'épisode est disponible sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et peut-être que ça nous reviendra d'ici là. Mais donc, du coup, les chercheurs, ils avaient deux objectifs pendant qu'on se dispute sur l'identité de l'oiseau. C'est de déterminer si les œufs de coucou différaient en apparence selon l'hôte qui était parasité. Et puis aussi de savoir si les œufs de coucou ressemblaient à ceux de l'un des hôtes qui ont été mesurés. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un test qui va être fait en laboratoire. Les chercheurs se sont appuyés sur une étude d'oiseaux de collection, une étude des œufs de collection du musée de Tring, qui a été récoltée de 1867 jusqu'à 1943, et aussi une précédente étude qui comparait des œufs prélevés récemment en 2021 sur le terrain de l'université de Yahan Girnagar. On est à Dhaka. Et l'objectif, c'était de savoir s'il y avait une plutôt correspondance entre les œufs ou pas. Alors, dans la collection du musée de Tring, on a 253 nids qui sont parasités par le coucou. On a 33% de ces nids qui sont édictés comme des nids de corbeaux familiers, 10% comme des nids de corbeaux de levaillant, donc c'est aussi un corvidé asiatique. On a un nid de pyrrhole à bec rouge. Et l'objectif, c'était de voir un petit peu s'il y avait des correspondances avec ces différents nids et ces différents œufs. Eh bien, grande surprise, ou peut-être pas, Sophie, tu nous diras, dans la précédente étude, il avait été déterminé que les coucous de la population donc, que j'ai citée tout à l'heure de l'université de Yahan Girnagar n'avaient pas de variété de spécifique à l'hôte en termes de couleur, de luminosité, de motif ou de taille. Donc tout ça a été étudié. Et l'objectif, c'était de corroborer les résultats avec ce qu'il y avait dans les collections. Et résultat des courses, on corrobore ces résultats, puisque on n'a là aussi pas justement de véritable signification en termes de couleur, de luminosité, de motif et de taille de ces coucous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a surtout en fait des œufs qui se rapprochent, assez... généralement de tout un groupe d'oiseaux qui sont capables de parasiter, mais il n'y a pas vraiment de spécialité, il semblerait en tout cas chez le coucou Coel, pour parasiter une pirole ou un martin triste ou un corbeau de Levaillant ou encore d'autres espèces, la pigrièche chache par exemple, qui a aussi été, testée. Alors, reste quand même qu'il y a beaucoup de choses qui demeurent à être étudiées. Tout d'abord, le taux de rejet des œufs de coucou chez certaines espèces, comme le corbeau de Levaillant ou encore la pirole à bec rouge. Mesurer la couleur et le motif des œufs frais de ces espèces sur le terrain, puisque comme je l'ai dit, on a fait des tests en laboratoire, on n'a pas été sur le terrain pour étudier ces œufs. On a eu un mimétisme de ces œufs qui se dirige plus ou moins vers une espèce plutôt qu'une autre. Voilà un petit peu pour cette étude qui pose les bases quelque part d'une réflexion sur le coucou Coel, mais contrairement à d'autres études où on voyait qu'il y avait, on va dire, une certaine spécificité des œufs qui étaient apportés par certains individus coucou, là pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus généraliste et qui va parasiter plus de nids, et selon certains chercheurs et ben cette absence de mimétisme chez les coucous pourrait s'expliquer par le fait justement qu'on n'a pas de rejet des œufs, ou en tout cas que le rejet des œufs n'est pas systématique. Donc s'il n'y a pas de rejet des œufs, bah, il n'y a pas spécialement raison de mieux les camoufler que ça. Exactement. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas tant de mécanismes de défense de la part des espèces, justement, avec des œufs qui ne sont pas forcément identiques aux leurs, et pourtant ils les gardent. C'est intéressant. D'accord. Non, c'est pas mal. Du coup, c'est pas exactement ce que disaient les autres études sur d'autres espèces. C'est intéressant. C'est pas aussi exactement ce genre de, effectivement, ce qu'on évoquait dans le courrier de la Sterne. Ce qu'on a évoqué avec notre fameux oiseau d'Afrique dont on se rappelle plus l'identité. Effectivement, là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus généraliste. Mais, comme le disent les chercheurs, il y a quand même beaucoup de choses à mesurer pour voir si, effectivement, les résultats qui ont été corroborés sur une espèce, pour le coup, puisque j'ai dit que c'était le corbeau familier qui avait été étudié à l'université en 2021, et uniquement elle, alors que, comme je l'ai dit, il y a une dizaine d'espèces qui ont été testées dans les collections de Tring. Voilà. Oui, d'accord. Non, mais c'est intéressant, ça vient s'ajouter. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'études sur ce sujet dernièrement, quand même. Hein. Ouais, mais il y a des périodes comme ça où les gens sortent leurs études à peu près au même moment. Là, en ce moment, on aurait pu en parler parce que c'est un sujet que j'aurais pu évoquer. Le chant des oiseaux femelles. Il y a énormément d'études en ce début d'année qui sortent sur le chant des oiseaux femelles. Il y a une étude réalisée aux Galapagos, il y a une autre étude qui a été réalisée, je ne sais plus où, je crois que c'est en Australie. Bref, il y a quelques conjonctions qui se font sur ces périodes-là. Mais ça reste des coïncidences d'une certaine manière, parce qu'on ne discute pas forcément entre chercheurs, etc. Mais ça montre aussi qu'il y a un certain intérêt pour, je pense qu'il y a un pour changement des sujets aussi particuliers. Quoi. Et puis le coucou Coel est quand même un oiseau extrêmement étudié aussi en Indonésie. Oui, c'est sûr. Ne serait-ce que pour son côté un peu mythique, quelque part. Puisque, comme je l'ai dit, il est censé, selon certaines traditions, apporter la pluie. C'est vrai. Il y a beaucoup d'oiseaux qui s'appellent des rainbirds, d'ailleurs, tout autour du monde. Hein. Parce que là, nous, en Afrique, on en a un aussi, pareil. C'est pas un pinson. C'est pas un coucou non plus. Le pinson des arbres, j'ai appris qu'effectivement, il y avait quelques légendes qui racontent que le pinson des arbres, lorsqu'il chante, eh bien, apportait la pluie. Voilà. Et toi, du coup, en Afrique, c'était quel oiseau? Moi, c'est une... Alors, c'est pas pour le chant, c'est quand tu le vois arriver, normalement, ça annonce la pluie. Donc c'est un calao terrestre. Ok. Tu sais, les D'accord. gros, voilà, les bucorves en quelque sorte. Ces gros trucs là. il est pas relié au mythe de non, j'allais dire au mythe de l'Impundulu, mais non, Impundulu c'est le héron ardoisé, je crois, si j'ai pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc Impundulu, c'est un peu l'équivalent du Thunderbird. C'est pas les Grettes ardoisées, en Amérique du Nord. Aigrette ardoisée, oui, tu as raison, hein. C'est pas héron ardoisé, ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Ouais, tu sais, on a du mal aujourd'hui à trouver les noms d'oiseaux quand même. C'est difficile les noms d'oiseaux. Ouh là là, on est fatigué. Ah là là. Mon dieu. Bon, et ben, après avoir parlé du coucou, on va parler du colibri, oui. Deuxième C, dans cette deuxième partie. Le colibri, Sophie. Ouais, alors on parle du colibri en Californie. T'as vu, je fais que dans le C aujourd'hui. Oh là là, mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec un développeur qui revenait de Californie, puisqu'il y a une grosse conférence annuelle des développeurs de jeux vidéo qui se réunissent. Et il parlait justement qu'il avait vu des colibris en Californie. Oh. Donc comme quoi, coïncidence rigolote. D'une certaine manière. Du coup, les colibris, on en a parlé déjà avant, on avait parlé, il me semble, d'un hôpital pour colibris, oui. Un centre de sauvegarde, et puis on avait parlé aussi de la biologie du colibri, parce qu'il me semble que c'était toi qui en avais parlé, de cette capacité qu'ils ont à stocker le sucre sans être malade et sans tomber diabétique, alors que nous, si jamais on essaie d'avaler ne serait-ce qu'une partie de la quantité de sucre qu'ils mangent tous les jours, on va finir diabétique en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bref, de leurs adaptations incroyables, d'ailleurs, à la fois au vol, avec ce vol stationnaire qu'on connaît bien, à leurs battements de cœur qui sont extrêmement rapides. Enfin bref, il y a tellement d'adaptations sur ces animaux-là. 1200 battements par minute. Ouais. C'est une vitesse. C'est incroyable. Vous imaginez mettre un métronome à cette vitesse-là, c'est pas possible. Oh, enfin bref, donc le colibri, il semblerait qu'il n'a pas fini de nous étonner. Parce qu'il y a un nouveau papier qui est sorti dernièrement. Alors il est sorti, il me semble que c'est la Royal Society Publishing qui a publié ça donc, le 25 mars dernier. Et qui nous parle cette fois-ci non seulement des colibris, mais aussi de quelques autres animaux qui sembleraient boivent de l'alcool régulièrement. Ok, alors... d'accord. Alors c'est quelque chose que je savais, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de plus ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez du sucre dans du liquide ? Généralement, si vous laissez quelques bactéries agir dans cette mixture, ça va vous donner un peu d'alcool. Hein, vous laissez ça suffisamment longtemps et puis ça finit par faire de l'alcool, alors de l'éthanol principalement. Et c'est ce qui se passe, notamment dans le nectar des fleurs. Parce qu'il se trouve que les scientifiques se sont amusés à calculer la quantité d'éthanol présent dans des échantillons de nectar qu'ils ont récupérés sur diverses fleurs, donc en Californie. Et il semblerait que dans la majeure, dans plus de 50% des cas, y a de l'éthanol dans ces échantillons qu'ils ont pris. Alors, vous imaginez qu'en fait, le colibri, quand il passe de fleur en fleur, il récupère non seulement du nectar, mais aussi de l'alcool. Donc, la question se posait, est-ce que les colibris conduisent bourrés ? Voilà, c'est ça la question en gros. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Ok. Voilà, ou du moins, combien d'alcool faut-il pour avoir un colibri qui ne vole pas droit ? Voilà, et est-ce qu'ils sont capables de le métaboliser ? Aussi, comme nous, hein, parce qu'on a des processus pour ça, et est-ce que c'est dangereux pour leur santé, ou est-ce qu'ils sont justement capables de choisir soit des boissons alcoolisées, soit des boissons sans alcool ? Qu'est-ce qu'ils préfèrent entre les deux ? Donc il y a toutes ces questions-là qui revenaient, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu ouvres cette porte-là, t'as tout un paquet de questions qui arrivent. Quand tu te rends compte que dans le nectar des fleurs, en fait, c'est une boisson alcoolisée, n'allez pas boire les fleurs du jardin, je vous le dis, tous ceux qui nous écoutent, n'en profitez pas, c'est pas une raison. N'essayez pas de prendre une paille. Beaucoup d'alcool non plus. Voilà. Donc, toutes ces questions, les chercheurs ont essayé d'y répondre dans leur étude. Et alors, il semblerait que chez pas mal d'espèces, on peut parfois, alors que chez le colibri, mais chez d'autres espèces aussi qui vont consommer du nectar, par exemple les abeilles, mettons, qui vont chercher du nectar, vous pouvez aussi trouver dans les échantillons de nectar qui sont prélevés sur des fleurs que les abeilles vont visiter, vous pouvez aussi trouver de l'alcool de temps en temps aussi. Et donc la question se posait aussi pour ces espèces-là, est-ce que, voilà, est-ce qu'ils boivent volontairement de l'alcool ou est-ce qu'au contraire, ils tentent à éviter les fleurs qui en contiennent? Peut-être pour justement re rester dans un plutôt en bonne santé. Et alors déjà la question s'était posée si ils boivent de l'alcool régulièrement en fonction de la quantité d'alcool qui a pr de présent dans ces fleurs, combien en moyenne d'alcool boivent-ils par jour? Alors il semblerait que c'est pas énorme. Visiblement en gros on est à peu près à 0,2 g d'éthanol par kilo par poids corporel. Mais 0,2 g, donc c'est pas énorme, mais ça fait quand même déjà pas mal, parce qu'il faut imaginer qu'un colibri, ça boit quand même entre 50 et 150% du poids de son corps par jour en nectar, donc ça fait déjà pas mal. Donc ça finit par faire une bonne dose d'éthanol finalement dans leur corps. Et la question se posait, est-ce que c'était dangereux pour eux à cette concentration-là, ou est-ce que c'était pas si dangereux que ça? Il semblerait que finalement c'est pas, ça va, c'est encore des quantités qu'ils peuvent supporter à ce niveau-là, donc tout va bien, donc ils conduisent pas bourrés. Jusque-là, tout va bien. Mais par contre, si on commence à dépasser ces quantités-là, ça va devenir difficile et ils ont visiblement des mécanismes qui leur permettent de gérer ces problèmes-là parce qu'en fait, ils sont capables de détecter dans ce qu'ils boivent, visiblement, s'il y a de l'alcool ou pas et combien il y en a. C'est-à-dire que quand on présente plusieurs. Alors, ils ont testé ça avec des mangeoires à colibri dans lesquelles tu vas verser. Du nectar avec plus ou moins d'éthanol à l'intérieur, en gros, voire une concentration qui peut aller jusqu'à 3% d'éthanol dans ce qu'ils ont proposé. Et bien, quand tu proposes ça, les colibris vont refuser en fait d'aller boire quand il y a trop d'éthanol, donc quand c'est trop alcoolisé. Par contre, ils vont volontiers aller boire dans les mangeoires à colibris qui ont jusqu'à à peu près 1% en concentration d'alcool dans dans le nectar, donc jusqu'à 1% en gros, c'est ok pour eux, mais dès qu'on dépasse cette quantité-là, ils n'y vont plus, donc ils ont un moyen, alors ils savent pas exactement comment, mais ils ont visiblement un moyen de déterminer si c'est ok ou au contraire si c'est trop, et dans ces cas-là, ils n'iront pas. Donc il y a un choix qui s'effectue à ce niveau-là déjà. Et ensuite, ils se sont intéressés au métabolisme de ces oiseaux, savoir s'ils étaient capables, comme nous, au bout d'un moment, de détruire, de métaboliser cet alcool qu'ils ont dans le corps une fois qu'ils l'ont absorbé, parce que c'est ça qui va leur permettre derrière de résister aux problèmes que peut poser l'alcool. Parce que l'alcool, c'est un poison dans votre corps, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc le but, c'est justement de le détruire, de le métaboliser, cet alcool, d'en faire autre chose pour que ce ne soit plus dangereux et qu'on puisse l'excréter d'une certaine manière. Et donc les chercheurs se sont intéressés aux plumes de ces oiseaux, parce que vous savez que dans beaucoup de fanères, alors pour nous ça marche avec les cheveux notamment, vous pouvez avoir des substances qui sont excrétées via tout simplement la production de fanères, alors les poils, les plumes, les écailles, enfin, tous ces trucs-là peuvent contenir des choses comme des poisons. Vous avez notamment des restes de médicaments qui vont se retrouver dans vos cheveux, d'ailleurs, quand vous avez pris un traitement, c'est que certains trucs qui vont se retrouver là-dedans. Ou des Bah, les polluants, pesticides, hein. hein, typiquement, voilà, les Voilà. polluants, effectivement. Des polluants qui vont se retrouver excrétés comme ça dans vos poils et dans vos cheveux. Et donc ça va permettre d'ailleurs de savoir si vous avez subi un traitement ou pas. Et oui, tout se lit dans les cheveux. Et donc dans les plumes aussi, il semblerait, parce que si votre oiseau a subi une pollution, a eu des petits problèmes ou quoi, ça va se retrouver dans la pousse des plumes et dans la plume elle-même. Et en l'occurrence, lorsqu'on regarde les plumes de ces colibris, eh ben on retrouve un produit du métabolisme dû en fait à la destruction en quelque sorte ou de cet alcool qu'ils vont avoir dans le corps. Donc en gros, dans les plumes des colibris, ils ont retrouvé certains composants d'alcool qui prouvent qu'effectivement, l'alcool avait été métabolisé et il avait été excrété lors de la formation de ces plumes-là, dans la plume elle-même. Donc, ça prouve que ces oiseaux sont tout à fait capables d'utiliser l'alcool qu'ils absorbent et d'en faire autre chose pour que ce ne soit pas trop dangereux pour eux en tous les cas. Et donc, ils ont des mécanismes pour ça, ce dont on n'était pas sûr jusqu'à récemment. Donc ça, déjà, c'est une nouvelle découverte. Incroyable. Donc, y a pas mal de choses comme ça qui ont été trouvées dans cette étude. Donc, le sujet peut paraître un petit peu curieux, effectivement, à premier abord. Mais finalement, ça nous apprend un peu plus encore sur la biologie de ces animaux-là qu'on ne connaissait pas. Et je t'avoue que je savais pas qu'il y avait de l'alcool dans le nectar des fleurs jusqu'à récemment, donc ça m'a intéressé. Ça m'a pas mal intéressé. Voilà. Et bon, c'est intéressant en fait parce que le but aussi c'est de savoir quel est l'effet, parce que c'est des oiseaux du coup qui vont consommer de l'alcool littéralement tous les jours de leur vie. S'il y a autant d'alcool que ça dans le nectar des fleurs, c'est déjà pas si mal, ça veut dire que mine de rien ils y sont soumis tous les jours à cet alcool. Et le but c'est de voir les effets sur le long terme. Qu'est-ce que ça donne d'avoir une consommation d'alcool, surtout quand on a finalement un animal qui est tout petit comme ça et qui absorbe beaucoup de nectar tous les jours, quel effet ça a sur son métabolisme, sur l'oiseau en lui-même, puis bah, peut-être sur sa longévité, on sait pas, il y a peut-être d'autres études à faire aussi de ce côté-là, ça peut être intéressant. Bah, moi je serais curieux de savoir ce qu'il advient d'oiseaux qui pour le coup sont complètement alcoolisés. Mm-hmm. Je sais pas si tu as des images qui te viennent en tête, mais moi j'ai des, comment dire, des vidéos de pies bavardes ou d'oiseaux australiens qui se mettent à être ivres parce qu'ils ont mangé notamment des fruits fermentés. Et je serais très curieux de savoir comment ça se passe pour eux et savoir s'ils ont quelque part les mêmes mécanismes de défense que les colibris. J'avoue, je suis assez curieux là-dessus. Bah je sais pas, écoute. Mais en gros, pour les colibris, on se retrouve... La quantité d'alcool qu'ils vont absorber par jour, ça équivaut plus ou moins à un verre de vin pour un humain par jour, en gros. Okay. Donc c'est déjà pas si mal, si tu veux. Enfin, comparativement, oui, hein, ils vont pas boire un verre de vin eux-mêmes, mais voilà, comparativement par rapport au poids du corps, tu t'imagines que si toi tu prends un verre de vin tous les jours, c'est à peu près la quantité d'alcool que le colibri va avoir comparativement à sa taille tous les jours. Donc c'est déjà pas mal en fait. Ah oui, ouais, bah totalement. Voilà. Totalement. Voilà. Mais après, nous étonnerons toujours ces colibris. Pour les autres animaux, je t'avoue que je sais pas trop. Il y a des études qui avaient été faites sur des temps de réaction de certains animaux, justement sous l'emprise de l'alcool, notamment chez des poissons. C'était assez drôle. Oh bah, je pense que t'as pas besoin de faire des études sur les temps de réaction quand tu vois la pie complètement comment dire, stone dans le jardin à faire des roulades, hein. Après, je ne suis pas scientifique, mais elle a je l'air de pense s'amuser que... du coup, hein, ouais, elle vit sa meilleure vie là, clairement, mais... Mais c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible, ça se trouve elle s'imagine des choses qu'on ne connaît pas, hein. Pas. Après, il faut savoir aussi que elle devient une marmotte le temps de, ouais, de quelques peut-être. Heures. Il y avait des vidéos, par contre, qui avaient été truquées. C'est des vieilles vidéos qui montraient des éléphants alcoolisés, des machins comme ça. Mais en fait, ils avaient littéralement filé de l'alcool à ces animaux-là. En fait, ils n'avaient pas juste donné des fruits qui étaient un peu passés. C'était littéralement de l'alcool qu'ils avaient fait boire à ces animaux-là. Et ça, niveau éthique, c'est pas terrible quand même. Ah bah non. Voilà, donc c'était pas... Non, un éléphant ne sera pas complètement stone juste en mangeant quelques fruits. C'est pareil pour les singes, normalement, ils peuvent être un petit peu pompettes, hein, oui. Mais enfin, je pense que ça dépassera pas ça, parce que la quantité d'alcool contenue dans un fruit n'est pas énorme non plus. Donc à moins de boire direct à la bouteille. Mais ça suffit quand même à... Peut-être rendre, pour les oiseaux. À rendre peut-être malade une pie, tu vois, c'est... C'est plus petit une pie, c'est assez, suite. C'est assez... La quantité d'alcool suffit pour la rendre malade, je pense que c'est pas la mais même. Mais par rapport au colibri, tu vois. Enfin, ouais, bah, faudrait voir combien elle consomme avec un fruit un peu... Mais le test pour oiseaux. Enfin, ah là là, bref. À consommer évidemment avec modération, voilà. Oui. Même si, Sophie, on sortira peut-être le champagne. Parce que la semaine prochaine, c'est la 150e de l'émission. Donc, émission spéciale dans laquelle on va revenir finalement sur des sujets classiques, mais on aura un invité. Et cet invité, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas reçu. On sera très content de le retrouver. Bon, il n'y a pas spécialement trop de suspense pour ceux qui suivent l'émission. Et pour d'autres, Exactement. Et pour d'autres, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur toutes les plateformes de streaming. Vous retrouverez cette émission. Vous la retrouvez également sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez également nous émettre vos commentaires ou vos questions si jamais vous avez des questions. Et puis, dans la description, vous retrouvez bien évidemment l'intégralité des sources que nous avons détaillées dans cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et rendez-vous donc la semaine prochaine pour la 150e. Salut à tous et salut à toutes. À plus.